الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى on continue avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et normalement, بإذن الله تبارك وتعالى، normalement إن شاء الله، car le but c'est d'étudier la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et qui dit étudier la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est de retenir par cœur la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. أما يعني si ça s'arrête au fait d'écouter simplement la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, je vous invite ici à regarder de nombreux sites internet, ou alors il y a de nombreux livres, surtout au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, avec At-Tahqiq, par exemple de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, ici de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et autres. Vous pouvez faire ce travail tout seul à la maison, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, car ça ne sera jamais le même travail que comme on le fait ensemble ici à la mosquée. Le but principal qui nous importe, nous, ici à la mosquée, et dans le programme du moins qu'il y a ici à la mosquée, c'est que les cours soient appris et retenus par cœur, bi-idhnillah et tabaraka wa ta'ala. Du moins, essayez de retenir le maximum par cœur, pour que ça soit un bagage à vie, pour que ce soit un bagage qui reste dans nos têtes à vie. C'est pour ça que la semaine prochaine, inshallah ta'ala, chaque fois que je passerai ou qu'on terminera 10 cours sur la biographie du prophète alayhi sallam, on s'arrêtera un dimanche de l'Maghrib al-Isha ici, en but principal, ou plutôt dans l'intention principale, que ça serve de révision. Que ça serve de révision, et aussi, inshallah ta'ala, de voir à peu près les niveaux. Donc j'interrogerai chaque frère, et je poserai beaucoup de questions concernant les 10 cours qui sont passés. Donc normalement, ça sera la semaine prochaine, donc je vous préviens à l'avance, comme ça vous révisez, et je vous poserai des questions, inshallah ta'ala, sur les étapes qu'on a vues concernant la biographie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc ça sera dimanche prochain, entre le Maghrib et l'Isha. À chaque fois qu'on arrive au 10e cours, on fait un arrêt, un cours de révision, inshallah ta'ala. Donc aujourd'hui, on continue avec le hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et qui est cité dans la biographie authentique du prophète alayhi sallam de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, rapporté par Umm Salama radiyallahu anha wa ardaha, qui nous raconte, et je vous ai dit, on va laisser Umm Salama radiyallahu anha wa ardaha nous raconter ce récit. Quel est ce récit? C'est quand ici les compagnons du prophète alayhi sallatu wassalam ont fait la deuxième émigration. Donc on était arrivé à la deuxième émigration à et la Ard al-Habasha, donc dans sa terre qui est la terre de l'Abyssinie, qui est au jour d'aujourd'hui l'Éthiopie. Donc quand ils ont fait la deuxième émigration, ensuite ici les Quraïchites ont décidé d'envoyer deux hommes forts pour essayer de convaincre An-Najash et le Négus ici de leur rendre donc ce groupe de croyants, ce groupe de musulmans qui avaient émigré dans sa terre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'envoyer deux hommes forts avec de nombreux cadeaux. Et c'est Umm Salama radiyallahu anha wa ardaha qui nous raconte ce récit. Et on s'était arrêté ici. Je termine rapidement pour passer à la prochaine étape, inshallah ta'ala, de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, elle nous dit. Donc, ils choisirent deux hommes robustes et intelligents, à savoir Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Amr ibn al-As, donc, et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Et ceci, bien sûr, avant leur conversion à l'islam. Ceci, bien sûr, avant leur conversion à l'islam, car ils se sont convertis à l'islam, walillahi alhamd. Donc, ceci avant leur conversion à l'islam, qu'ils envoyèrent chargés de cadeaux les plus précieux auprès de An-Najashi, rahimahullah ta'ala. Car on a dit qu'il était mort musulman, et on verra le hadith rapporté par Al-Bukhari qui confirme ceci à la fin de cette histoire, inshallah ta'ala. Na'am, auprès du Négus et de ses patriarches. Les deux hommes munis de cadeaux arrivèrent chez les patriarches, auxquels ils fournirent des arguments en faveur de l'expulsion des musulmans. Et après que ceux-ci fussent d'accord de proposer au Négus de les expulser, rencontrèrent le Négus même à qui ils offrirent les cadeaux et parlèrent en ces termes. Donc ils ont essayé de convaincre ici le Négus en lui apportant ces cadeaux. Et lui dire, au roi, donc je cite comme il est cité dans le hadith pour pas rajouter une chose venant de moi. Au roi, ils se réfugient dans votre pays, de jeunes stupides qui, ayant quitté la religion de leur peuple, n'ont pas pour autant embrassé la vôtre. Ils ont apporté une religion qu'ils ont créée de toutes pièces et que personne ne connaît, ni nous, ni vous-même. Aussi avons-nous été dépêchés auprès de vous par les nobles de leur peuple, après leurs pères, leurs oncles et leurs clans, qui vous demandent de les rendre, car ils veillent sur eux mieux que quiconque et savent mieux que quiconque ce qu'ils ont eu à leur reprocher. Les patriarches, ensuite, ils répondirent, effectivement, sire, rends-les-leur, qu'ils retournent avec dans leur pays et auprès de leur peuple. Naam. Donc, le patriarche, ceux qui étaient proches du Négus, étaient d'accord. Ensuite, An-Najashi, malgré tout, tenait à examiner la question et à écouter toutes les parties. Donc, écoutez bien. Il envoyait donc chercher les musulmans qui ensuite se présentèrent prêts à dire la vérité sous toutes ses formes. Le négus leur dit « Quelle est donc cette religion pour laquelle vous vous séparez de votre peuple sans embrasser la mienne ni aucune des autres religions ?» Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran al-Karim ?« Inna Allah ya'murukum an tu'addu l'amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna al-nasi an tahkumu bil'adl » Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran al-Karim ayyuhal ikhwatu al-kiram. Donc Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné que quand on est amené à juger entre deux personnes, entre deux clans, entre deux tribus, dans un couple, ou yani, entre deux parties, de juger avec toute équité. Avec équité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, et il nous rappelle que la haine qu'on peut avoir envers un peuple ne nous pousse pas à être injuste. Ne nous pousse pas à être injuste, et ça montre la parfaite équité qu'a le musulman, ou plutôt du moins que doit avoir le musulman. Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran al-Karim concernant cette équité? Il dit quoi? Il dit que la haine que vous avez envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Fa'dilu. Allah Azza wa Jalla dit soyez juste. Ceci est plus proche de aqrabu littaqwa, de la piété. Ça c'est l'islam qui nous l'ordonne alors qu'on lit le Coran al-Karim de jour comme de nuit. Du moins pour la plupart. Alors que nous, au jour d'aujourd'hui, on a en face de nous les paroles du prophète alayhi salam et on atteste que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et que Muhammad alayhi salam est son messager et son envoyé. Alors que aujourd'hui, on a tous ces textes prophétiques et ces textes et ces versets coraniques devant nous, on n'arrive pas encore à appliquer ce verset coranique. Et tu vois des musulmans qui jugent entre deux parties, entre deux frères, entre un couple, etc., sans écouter les deux parties. Ça, c'est la moindre des choses. Concernant le fait d'être équitable entre deux groupes ou deux parties ou autres. C'est d'écouter les deux parties. Même si on te dit je ne sais quoi, même si la personne devant toi, elle pleure, même si c'est une femme qui te touche et te blesse ici quand elle te rapporte ses problèmes, etc., etc., de couple, tu n'as pas le droit, je ne dis pas c'est déconseillé, tu n'as pas le droit en islam de juger, d'apporter un jugement, et ça il faut l'ancrer dans les cerveaux, de porter un jugement tant que tu n'as pas écouté les deux parties. Tant que tu n'as pas écouté les deux parties. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit, quand quelqu'un vient te voir avec un œil crevé, qu'est-ce que c'est la suite? Avant de porter un jugement, vérifie bien si l'autre personne n'a pas les deux yeux crevés. Naam, ça va toujours, il a un œil crevé, un œil crevé. Peut-être que l'autre, il a les deux yeux crevés. Tant que tu n'as pas écouté les deux parties, tu n'as pas le droit en islam de juger. Et ça, c'est un manque d'équité. Wal'iyadu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette équité et de cette justice ici dans le Coran al-Karim. Et regardez ici An-Najashi. Ici An-Najashi, ayyuhal ikhwatul kiram, qui voit ses patriarches prendre le parti de ces deux hommes forts qui viennent essayer de le convaincre avec des cadeaux. Et regardez son équité. Sa justice le pousse à dire quoi? Je veux d'abord écouter l'autre partie. Regardez l'équité, al-adl, al-najashi, rahimahullahu ta'ala. Ensuite, il dit. Donc, il leur propose, ici, de s'exprimer. Qui s'avance? Ja'far, al-tayyar, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda. Et qu'est-ce qu'il dit? Le porte-parole des musulmans dit, sire, le porte-parole, parce qu'on choisit pas n'importe quelle personne. Quand on s'adresse à des gens, on choisit la personne, qui est le plus apte et le mieux placé pour s'adresser à ces personnes-là. Surtout quand on s'adresse au jour d'aujourd'hui, on parle, et ce qui nous importe au jour d'aujourd'hui principalement, c'est la réalité des choses. D'accord? Et c'est de contextualiser les situations, de regarder dans laquelle époque on vit et qui on a en face de nous. Surtout quand on voit des musulmans qui s'adressent à des non-musulmans, on laisse quelquefois parler n'importe qui. Pourquoi? Car on n'a pas compris et médité et étudié comme il se doit la biographie du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Tu dois laisser parler la personne qui est le mieux placée pour parler avec ces personnes-là. Et bien sûr, on a dit, la meilleure des paroles à transmettre aux musulmans comme aux non-musulmans, c'est quoi? Wadhakkir bil Qur'an. Et rappelle par le Coran, c'est le Coran al-Karim. C'est par le Coran, ayyuhal ikhwatul kiram, comme on l'a vu ici dans la conférence sur le voile islamique. Et on a dit malheureusement, et c'est une réalité, on voit de plus en plus de gens qui s'adressent aux médias concernant le voile islamique, et très peu de musulmans parlent avec Allah a dit, le prophète alayhi sallam a dit. Alors que ça nous suffit d'exposer clairement les versets coraniques qui montrent la place qu'a et le mérite qu'a la femme musulmane en islam, et ça nous suffit amplement de citer tous les hadiths authentiques, prophétiques qu'on a, qui montrent le mérite qu'a la femme musulmane. Ça nous suffit amplement. Et ils auront beaucoup plus d'impact que tes propres paroles, car ils viennent directement du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui eux, insultent et dénigrent. Donc ils verront bien quelle est la vraie face de l'islam et des musulmans. Lakin l'asaf, avec le plus grand des regrets, on ne cesse de parler avec nos propres paroles. Moi je vois, moi je pense, moi je crois. Ça nous suffit, les paroles d'Allah et les paroles du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc Ja'far radiyallahu anhu arda. Donc il s'avance et il commence et il dit: nous faisions partie des gens de l'ignorance et comme eux. Donc il rappelle leur situation avant la venue du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il dit: nous faisions partie des gens de l'ignorance, al-jahiliya. Nous adorions les idoles, mangions de la charogne, pratiquions la fornication, rompions les liens de parenté et maltraitions nos voisins. Les plus forts parmi nous se nourrissaient des plus faibles. Voilà leur état avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Nous ne cessions de vivre de la sorte jusqu'au jour où Allah azza wa jalla nous envoya un messager, qu'il choisit parmi nous un messager dont nous connaissons la généalogie, la franchise, l'honnêteté, la chasteté, qui nous appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons adorer, considérer comme Allah, comme un Dieu unique. At-tawhid. At-tawhid, il commence par at-tawhid. Il lui rappelle qu'il aura été commandé et ordonné d'adorer un Dieu unique. Ensuite, il dit quoi, Ja'far radiyallahu anhu arda? Nous départissons de tout ce que nous adorions d'autre que lui, nous et nos ancêtres, comme pierre et idole. Nous, il nous ordonna le franc-parler, la restitution des choses confiées, le culte de parenté, le bon voisinage, l'abstention des choses interdites et de l'effusion du sang. Il nous a interdit la fornication, le mensonge, l'abus des biens des orphelins, l'accusation des femmes chastes et vertueuses, nous ordonnant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans associer et sans rien lui associer. De prier, de s'acquitter de la zakat, d'observer le jeûne. Vous vous rappelez pourquoi ici, dans la conférence concernant le voile islamique, on commence toujours ici, parce que je sais que sûrement cette conférence peut être amenée à être écoutée même par des non-musulmans, c'est possible. Donc ici on rappelle ayyuhal ikhwatul kiram, ce que Allah nous ordonne et ce que Allah nous interdit. Pour montrer ici que ça ne contredit pas du tout la nature humaine. Et ce que même le non-musulman reconnaît comme interdit ou comme chose recommandée. Et c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit? Allah azza wa jalla nous interdit quoi? De boire de l'alcool, de forniquer, de mentir, de trahir, de tuer, verser le sang d'une façon injuste, etc. Quel non-musulman vous dira, nous on est contre ça? Tout le monde vous dira, on est pour ça. Donc il faut se mettre et yani au même niveau que la personne qui est en face de toi et lui faire comprendre de façon claire ce qu'est l'islam. On t'a pas dit de lui expliquer les règles de l'héritage. Rappelle-lui tout simplement que le fait ici de dire la vérité, c'est demandé par les musulmans et les non-musulmans. Le fait d'être juste, c'est demandé. Ben, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. Voilà ici comment Ja'far radiyallahu anhu s'adresse avec ici An-Najashi. Et il lui rappelle les commandements qui sont clairs et qui bien sûr même le négus An-Najashi reconnaît comme chose bonne. Ensuite, ici, il dit quoi encore? Aussi avons-nous adoré Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, sans l'associer à rien d'autre. Avons considéré comme illicite ce qu'on nous a interdit, comme licite ce qu'on nous a ordonné. Alors notre peuple nous a indexés, torturés, tourmentés à cause de notre religion, cherchant à nous ramener à l'adoration des idoles au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux perversités que jadis nous considérons comme licites. Il lui explique bien la situation. Il lui explique bien dans les détails, comme il se doit, la situation. Lorsqu'ils nous eurent contraints, maltraités et traqués, ne nous laissant aucune chance de pratiquer notre religion, nous fuyâmes vers notre pays, car nous vous avons choisi à l'exclusion des autres pour être sous votre protection, et nous espérons qu'après, ou plutôt afin qu'auprès de vous, nous ne subirons aucune forme d'injustice. Aucune forme d'injustice. An-Najashi, il répondit. Et il dit, peux-tu me dire, tant soit peu de ce que Allah a révélé? Donc, informe-moi sur les versets coraniques, sur ce que votre Seigneur vous a révélé. Il dit oui, répondit Ja'far, et le négus lui dit alors récite-le-moi. Et Ja'far commença à réciter Surat Maryam. Surat Maryam, dans le même hadith hein, authentique. Surat Maryam, le début de la Surat Maryam. Ma foi, le négus pleura alors à se mouiller la barbe. Ses évêques pleurèrent aussi à mouiller leurs livres lorsqu'ils eurent entendu la Surat. Et je le répète encore une fois. Ici, j'insiste ici, et je demande de prêter attention ici, pourquoi? Parce que la meilleure de da'wah que tu peux faire, et celle qui aura le plus d'impact, c'est ici par le biais des versets coraniques. La plupart des compagnons se sont convertis par le quoi? Par la cause de quoi? Al-Qur'an al-Karim. Le prophète alayhi salam l'a appelé par Al-Qur'an al-Karim. Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu a appelé avec quoi? Al-Qur'an al-Karim. Il nous est indispensable ici, pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, d'apprendre Al-Qur'an al-Karim, de le comprendre pour pouvoir le méditer et acquérir l'humilité dans la prière, et pour pouvoir, bien sûr, après l'appliquer comme il se doit. C'est impératif. Et c'est pour ça qu'on doit commencer ici l'étude du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vous dit, mais on commence par At-Tawhid, eh ben dis-lui que comme l'ont dit les savants et parmi Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Al-Qur'an Al-Karim tout entier est Tawhid, est unicité. Al-Qur'an Al-Karim, c'est le livre le plus riche qu'il y a sur la surface de la terre, en exhortation bien sûr. Et le Négus Al-Najashi dit ensuite aux évêques, il ne fait pas de doute que ceci et ce que Moussa avait apporté sort de la même niche. Se retournant vers les deux émissaires, il dit, allez-vous-en, je ne vous les livrerai pas, ils sont sous ma protection. Amr ibn al-As et son compagnon sortirent, mais le premier dit au second, je jure sur Allah que demain je reviendrai avec de quoi les faire expulser. Abdullah ibn Rabi'a s'adressa à lui en ces termes, ne le fais pas, ce sont des parents, même s'ils nous ont contrariés. Cependant, Amr ibn al-As, regardez, ils avaient quand même ce respect, ce adab, cette politesse. Regardez les paroles qu'a dit ici Abdullah ibn Rabi'a. Et cependant, Amr ibn al-As persista dans sa démarche et le lendemain, dit au Négus, ils disent des choses étranges de Isa ibn Maryam. Regardez, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent de Isa ibn Maryam? Donc ici, pour mettre des ambiguïtés chez An-Najashi. Et celui-ci envoya chez les musulmans leur demander ce qu'ils pouvaient bien dire au sujet de Isa alayhi salam. Les musulmans paniquèrent mais s'entendirent entre eux pour ne dire que la vérité. Allah, voilà. Ça sert à rien ici d'essayer de détourner la vérité. Dis la vérité comme elle est. Wa qul al-haqq walau kana murran. Dis la vérité même si elle est amère. Là, tu es dans une situation où tu dois dire la vérité. Et tu dois ne craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et répond avec Al-Qur'an Al-Karim. Dès leur arrivée à la cour, le négus les interrogea et alors Ja'far répondit, nous disons de lui ce que nous a apporté notre prophète alayhi salatu wassalam. Ni plus ni moins. Ne rajoute pas de toi. Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, avec la compréhension des ancêtres pieux, même à notre époque, fa wa rabbil ka'ba, ça nous suffit amplement, amplement. Ensuite, il dit quoi? À savoir qu'il est le serviteur, le messager, l'esprit et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala insufflé à Maryam, la Vierge Marie, à Maryam. Et le négus ramassa un bâton et à terre et dit, ce que tu viens de dire ne dépasse la vérité sur Isa ibn Maryam que de la longueur de ce bâton. Et il ajouta-t-il, voyant que ses patriarches faisaient là la mousse, c'est-à-dire ils n'étaient pas très contents, il dit aux musulmans, allez, vous êtes en sécurité sur ma terre, quiconque vous insulte paiera une amende, je n'aimerais pas avoir une montagne d'or si je devais l'obtenir en portant préjudice à l'un d'entre vous. Allah de la justice, l'équité. Et ensuite, il dit ensuite à son entourage à la fin du hadith, rendez-leur leur cadeau, j'en ai pas besoin, je jure qu'Allah n'avait pas reçu de moi des pots de vin en me rendant mon royaume, et pourquoi prendrais-je des pots de vin? J'obéirai à la volonté des gens aussi longtemps que ceux-ci obéiront à ma volonté. On n'achète pas les gens avec des cadeaux. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils utilisent des cadeaux pour acheter les gens. Tahadu tahabbu, na'am, sah, hadithum sahih. Prophète Al-Islam, il a dit, offrez-vous des présents, Allah, par cette cause-là, mettra l'amour entre vous. Ça, c'est une chose qui est demandée en islam. Et tabahan, ça fait partie de la nature humaine. Ici, si tu reçois un cadeau de quelqu'un, ici, ça te pousse à apprécier et à aimer cette personne. Lakin, ici, ça ne doit pas te pousser à faire devancer tes passions ou tes plaisirs sur la vérité. Si une personne, tu sais, qui t'offre des cadeaux pour te détourner de la vérité, tu n'as pas droit d'accepter ce cadeau-là. Tu lui rends son cadeau, comme l'a fait ici An-Najashi. Et il dit ensuite à son entourage les paroles que je viens de vous citer. Rapportées par l'imam Al-Bukhari, ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كي celui-ci أبي هريرة دي رضي الله عنه وأرضاه il dit quand Najashi est mort le prophète عليه الصلاة والسلام a annoncé sa mort et a dit priez sur lui, et c'est ce qu'on appelle salatul ghaib, d'accord, salatul ghaib, donc le fait de prier sur une personne qui est absent. Ala kulli hal, après toutes ces persécutions. Donc ça, c'est le groupe de musulmans qui a dû partir, car ils n'avaient pas ici cette protection, entre guillemets, comme l'avait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiyallahu anhu arda, et d'autres, dû à quoi? Avant tout, ils ont été protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, ensuite, par des causes, et les causes ont été Abu Talib, par exemple, par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr par rapport à quoi? À sa lignée, par rapport à la famille qu'il avait, etc. Donc il y avait des compagnons qui sont restés à la Mecque. D'accord, et qui étaient entre guillemets intouchables. Les autres qui ont été persécutés, opprimés, ont dû partir. Mais ici, cette entre guillemets stabilité pour les compagnons qui sont restés à la Mecque n'a pas duré longtemps. Ils ont décidé quoi? Ici, les associateurs, après qu'ils aient vu qu'il n'y avait pas d'effet, ici à leur au fait d'obstruer, ici de détourner les gens de la vérité. Après avoir dénigré le prophète, menti sur le prophète alayhi salam, torturé les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut taper la tête, ça c'est clair, c'est connu. Donc on tape directement qui? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc là, ils se sont acharnés sur le prophète alayhi salam et ont commencé à comploter pour vouloir directement tuer le prophète alayhi salam, comme le rapporte Ibn Kathir ibn Ishaq ici dans la biographie du prophète alayhi salam et d'autres. Donc ils ont voulu ici tuer le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses et a décidé ainsi que Abu Talib, bien qu'il soit associateur et qu'il soit mort dans la mécréance et dans l'association, a été une des causes ici-bas, je dis bien, car le prophète a été protégé avant tout par Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite par cette cause-là qui était Abu Talib, a été protégé par son oncle Abu Talib. Et Abu Talib ici s'est réuni avec les gens de sa tribu et de son clan et ont décidé de protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Donc certains, il y avait les compagnons avec eux, et d'autres c'était simplement par quoi? Par fierté. Et du quoi? À leur courage. Et du quoi? Ici, c'était simplement parce qu'ils faisaient partie de leur clan. Et c'était des gens qui étaient, c'était des hommes. Ici, ils protégeaient leur clan. Et ils n'avaient qu'une parole. Et ils savaient que le message d'Allah, alayhi sallam, venait de leur tribu. Même ceux qui n'avaient pas cru en lui ont décidé de le protéger. La plupart ont décidé de sa tribu de protéger le prophète, alayhi sallatu wassalam. Donc, ils ont fait un petit groupe et qui se sont mis à protéger le prophète, alayhi sallatu wassalam. Donc, ils ont vu de la résistance. Et ils n'ont pas pu exterminer le prophète, alayhi sallatu wassalam, aussi facilement qu'ils le pensaient. Et à ce moment-là, alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ici était protégé, alors que les associateurs voulaient le tuer directement lui, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que deux hommes forts se sont convertis à l'islam. Hamza ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, l'oncle paternel du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et son frère de lait. Hamza, c'est l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, et son frère de lait. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Omar ibn al-Khattab, voilà, ici, à cette époque-là, qui était allant à peu près 4 après l'avènement du prophète, alayhi salatu wassalam, on parle toujours pas de l'hijra, d'accord, on parle après de l'bi'tha, après, ici, la révélation. Ici, Omar ibn al-Khattab et Hamza ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa arda, deux hommes forts se sont convertis à l'islam. Deux hommes forts. On va prendre d'abord la conversion de Hamza, radiyallahu anhu wa arda. Et la conversion de ces deux hommes ont permis aux musulmans d'affirmer clairement et ouvertement leur islam et de rajouter de la force et de la fierté à l'islam à leur époque. Ils étaient très fiers. Et ces deux hommes, ici, ayyuha al-ikhwatul kiram, qui étaient, ou on va dire surtout Omar ibn al-Khattab, comme vous le savez tous de toute façon, qui étaient parmi les personnes les pires, ou on va dire les personnes qui ont torturé et maltraité le plus les musulmans. C'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Wa ma'a dhalik, et avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé Omar ibn al-Khattab à la religion. Et on va voir les morales qu'on en tire ici. Hamza radiyallahu anhu wa arda a renforcé, ou a été une cause du renforcement et de la fierté et de la progression de l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, deux hommes, ils n'étaient pas 1000, ils étaient 2. Ils étaient simplement 2. Ça nous rappelle que ce qui nous importe dans l'islam, c'est la qualité, pas la quantité. La qualité et la quantité, dans toute chose, c'est la qualité, pas la quantité. Ça, c'est clair et net. Ils étaient 2, ils n'étaient pas 1000. Et sahaba, au début, ils étaient un petit groupe. Comme on a vu, à la deuxième immigration, ils étaient à peu près 80. Chez certains, ici, historiens, ils étaient une centaine, pas plus. Quand ils ont immigré, c'était un petit groupe. Au jour d'aujourd'hui, on est combien de milliards de musulmans? Subhanallah. Grâce à qui? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, ensuite par la cause des hommes. Min al-mu'minin al-rijal. C'était des hommes. Quand un se convertissait, les compagnons, c'est pour ça que, ici, à l'unanimité des savants, les meilleurs des créatures sur la surface de la terre après al-anbiya wa al-rusul, après les prophètes et les envoyés, c'est sahaba. C'est eux, afhamun nas, qui ont compris le mieux la religion, qui ont sacrifié le plus pour la religion, et qui ont été le plus sincères. C'était deux hommes, mais quand on voit leur biographie, et comment ils ont réagi face ici aux associateurs, et comment ils ont sacrifié pour la religion, on se dit, on est où par rapport à eux? Où sommes-nous par rapport à Aïna nahnu min ha'oula? On est où par rapport à eux? Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on, ici, apporte pour faire avancer ici la communauté? Il faut faire avancer la communauté, il faut la faire avancer de l'avant, pas en arrière. Il faut la faire avancer de l'avant, ayyuha al-ikhwatul kiram. Hamza ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, qui était l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam paternel. Et le frère de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, Ibn Ishaq le rapporte aussi dans Rahiq al-Maktoum, donc le nectar caché, hein, cacheté qui est en traduction en française aussi, hein. Il dit que c'était à la quatrième année de l'événement, d'accord, de la prophétie. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam a été malmené, a été insulté, a été dénigré par particulièrement Abu Jahl. Par Abu Jahl. Et ici, il y avait une captive affranchie qui a vu la scène. Et quand elle a vu cette scène-là, le fait que ici le messager d'Allah a été maltraité devant tout le monde, etc., cette information est parvenue à qui ? Hamza, alors qu'il n'était pas musulman. Quand il est revenu de la chasse, il chassait, il est revenu, il a entendu ça. Ici, par fierté. Par fierté. Et ici, parce qu'il détestait aussi le fait qu'on opprime et qu'on touche injustement, car c'était de l'injustice claire envers, son, envers le messager d'Allah qui était son neveu. Injustement, le prophète, il décida sur le champ de se diriger sans hésiter vers Abu Jahl. Et devant tout le monde, il est arrivé vers Abu Jahl et il a frappé Abu Jahl. Et personne n'a osé ici rebeller contre eux, contre Hamza radiallahu anhu arda, et tout le monde le sait, Hamza était connu pour être un homme très fort. Hamza radiallahu anhu arda, il a dit, j'adhère à la religion de mon neveu. Je suis, quelqu'un a quelque chose à dire alors que moi je suis la religion de mon neveu. Et les savants ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Hamza radiallahu anhu arda a embrassé l'islam ici pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici c'était vraiment sincèrement parce qu'il avait reconnu que l'islam était la vérité, ou c'était surtout pourquoi? Par fierté. Et pour ici protéger son neveu. C'était surtout bien sûr pour protéger son neveu et pour mettre au défi, pour défier ceux qui opprimaient et ceux qui touchaient ici son neveu par des injustices. Donc ici ce n'était pas vraiment pour l'islam. Mais ensuite Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr ouvert sa poitrine à l'islam et c'est devenu un des plus grands compagnons. Et ça c'est la preuve que quoi? Comme ici beaucoup de salafs, beaucoup d'ancêtres pieux le rapportent aussi. Et ils disaient qu'on apprenait, la science. Beaucoup ont rapporté ça. Au début ce n'était pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala al-ilm. On apprenait la science au début, ce n'était pas sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin au fur et à mesure, quand on a compris ici l'importance et la gravité d'apprendre la religion pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait qu'on a modifié nos intentions. Beaucoup rapportent ça. Et ici, on voit que une personne même qui embrasse l'islam, au début, ça peut être pour, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, parce qu'il veut simplement épouser ici une musulmane ou alors vice versa. Lakin ça nous apprend ayyuhal ikhwatul kiram qu'on ne doit pas ici montrer du doigt. On ne doit pas montrer du doigt. Vous connaissez le hadith al-sahih avec Usama ibn Zayd radiyallahu anhu arda quand il a tué un associateur alors qu'il avait dit ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah, il l'a tué. Et quand le prophète alayhi salam a su ça, il s'est mis en colère. Et Usama ibn Zayd radiyallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il a dit? Ya rasulallah, mais c'était clair, il a bien montré au prophète A.S. en disant c'était clair qu'il l'a fait que par crainte de mon épée. Et le messager d'Allah A.S. a dit, as-tu ouvert sa poitrine pour savoir s'il l'avait fait sincèrement ou par crainte? Regardez, an-niyya, ici l'intention, on la juge pas nous, on juge les actions. Si la personne, elle vient et c'est clair, c'est évident que c'est simplement pour cette sœur, ou alors cette sœur, ici embrasse l'islam que pour ce frère qui est musulman et lui doit se convertir, ou elle doit se convertir, ala kulli hal, toi... Tu rendras des comptes sur quoi? Sur il a été sincère ou pas? Abadan. Toi, ici, fais ton travail. Apprends-lui la religion. Enseigne-lui la religion. Ouvre-lui les portes de l'islam. Et ensuite, alhamdulillah, il rendra ses comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il l'a fait pour autre qu'Allah, peut-être que ça va être une cause au fur et à mesure. Ici, le fait qu'il apprenne l'islam et au fur et à mesure qu'il devienne, que ça devienne sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, on dit ça, c'est des cas particuliers. Ça, c'est des cas particuliers. Ça, on ne peut pas utiliser toi de façon générale. On dit en général quelqu'un qui fait un acte d'adoration en dehors pour Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, en général, Allah azza wa jalla le scandalisera, d'accord, pour dévoiler sa mauvaise intention. Et du moins, la moindre des choses, le moins qu'on puisse dire, c'est que son action, s'il l'a fait pour autre qu'Allah, est rejetée. Lakin, dans des cas spécifiques, ça, ou dans des cas particuliers, bien sûr, ça arrive comme Hamza radiyallahu anhu wa arda. Na'am. Et le prophète alayhi salatu wassalam a parlé ici de Hamza. Il a parlé de Hamza radiyallahu anhu arda dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala où il dit, et le hadith est connu, Hamza radiyallahu anhu arda, il l'a appelé comment le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Sayyidu shuhada. Il a dit le maître. Sayyidu, c'est le maître. Sayyidu shuhada, c'est le maître ici des martyrs. Indallahi yawm al-qiyama. Donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Hamza radiyallahu anhu arda dans une chaîne de transmission authentique comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ça c'est Hamza qui était un homme fort et par sa cause Allah azza wa jalla a renforcé l'islam. A renforcé l'islam. Inna ma'al usri yusra. Certes auprès de la difficulté il y a la facilité. Et ça, ça nous apprend qu'on a besoin d'hommes forts aussi en islam. Alhamdulillah, on voit que des hommes qui sont forts, ça ne veut pas dire simplement forts physiquement, mais qui ont une forte personnalité, ou on va dire aujourd'hui par exemple des hommes riches, Abu Bakr était riche, Uthman ibn Affan était riche, yani, ça renforce l'islam, car le musulman a besoin d'argent, le musulman a besoin de force, le musulman a besoin d'hommes qui ont de la notoriété. Comme on disait et on donnait souvent l'exemple, c'est un exemple clair, ici il ne faut pas renier ça et démentir ça. Si par exemple demain une star se convertit, un grand chanteur ou une grande chanteuse ou un grand acteur, est-ce que ça va avoir de l'impact sur les gens? Non, ça va avoir de l'impact. Donc on a besoin des gens, des hommes forts qui se convertissent, lakin, qui gardent ces qualités-là dans l'islam. Parce que Hamza radiyallahu anhu wa arda, quand il est rentré dans l'islam, il a gardé cette qualité. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, comme il était réputé pour être un homme très fort et avoir beaucoup d'influence et d'impact et de notoriété quand il est rentré dans l'islam, il a gardé cette qualité-là. Il a gardé cette qualité-là, il l'a mis au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme certains frères le font au jour d'aujourd'hui. Dans le jahiliya, c'était les meilleurs. Lakin, quand ils rentrent dans l'islam, c'est les premiers, ici à quoi? À dormir jusqu'à midi, à ne servir en rien du tout la communauté, à même faire ici, al-fitan au sein de la communauté, wal-iyadu billah, et même ils font plus de mal que de bien. C'est quoi ça? Nous, on a besoin de personnes qui viennent ici de l'jahiliya. L'islam a besoin de ces personnes et qui peut-être étaient réputées pour être très intelligents, yani pour être très débrouillards, pour avoir de la notoriété, pour avoir de l'influence, etc. Et on a besoin de ces hommes-là dans la communauté à partir du moment où ils utilisent ici ces caractéristiques qu'ils avaient dans le jahiliya, qu'ils les utilisent dans l'islam. On a besoin de ça. Et de façon générale, on le retrouve, alhamdoulilah. Il y a des gens qui étaient vraiment dans le jahiliya, et en est vraiment égarés, quand ils rentrent dans l'islam, ils ont une très forte impact. Ça c'est connu, de façon générale je le dis. D'accord? De façon générale. Et ça c'est quelque chose de très important, il y a un bien, alhamdulillah. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il s'est converti aussi à l'islam, à cette époque-là. Il s'est converti à l'islam. Alors que Omar, radiyallahu anhu arda, ibn Mas'ud et beaucoup de compagnons disent et rapportent avec des chaînes de transmission authentiques que c'était parmi les personnes qui ont torturé le plus les musulmans. Regardez. Ce sont les personnes où il faisait partie des personnes qui ont torturé le plus les musulmans. Avec ça, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, il est rapporté aussi qu'il allait jusqu'à même attacher sa sœur et son mari par crainte qu'ils ne soient attirés ici à quoi? À l'islam. D'accord, qu'il ne soit influencé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans un hadith sahih. Donc Omar ibn al-Khattab, on voit qu'il était acharné contre la vérité. Il était contre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il détestait le prophète alayhi salatu wassalam. Il détestait les paroles qui étaient apportées par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, avec ça, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va voir. Ici, on voit même que, alhamdulillah, il y avait quand même du bien en Omar. À travers un récit, je ne sais plus si je vous l'avais déjà cité, je pense que je l'avais déjà cité au moment où ils étaient partis en Abyssinie, c'était avec le hadith de Ummu Abdillah, radiyallahu anha wa arda, avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui dit, quand ils ont voulu quitter, donc au moment où Ummu Abdillah, elle a voulu quitter ici l'Abyssinie, d'accord, pour prendre la Mecque, pour prendre la fuite en Abyssinie. Elle était avec son mari. Et quand ils ont voulu quitter, ils se sont préparés pour quitter ici la Mecque et autres. Son mari s'est absenté pour faire quelques courses, ici pour les provisions et autres. Elle s'est retrouvée toute seule et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda est venu à Ummu Abdillah. Et il lui a dit, est-ce que toi aussi, vous aussi vous vous préparez pour partir? Elle a dit, na'am. Elle a dit, nous aussi on se prépare. Et tout simplement pour préserver notre foi et préserver nos personnes. Pour préserver notre foi et préserver nos personnes. Et ici, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il a dit? Et Ummu Abdillah, dans ce hadith authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, elle a dit, c'est comme si je voyais de la tristesse dans Omar ibn al-Khattab. Regardez, c'est comme si elle voyait Omar un peu triste. Et ici, Omar ibn al-Khattab lui a dit, qu'Allah vous, sahibakumullah, qu'Allah vous assiste. Qu'Allah vous assiste. Car ils croyaient en Dieu, na'am. Lakin, ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous assiste. Et ensuite, quand, ici, Amir, le mari de Ummu Abdillah est rentré, elle lui a raconté ce qui s'était passé, ici, à Amir, et il lui a dit, est-ce que tu espères la conversion de Omar ibn al-Khattab? Est-ce que tu espères, ou alors tu penses qu'il peut se convertir? Et elle a dit, na'am. Et il a dit, Omar ibn al-Khattab ne se convertira à l'islam que quand l'âne de Omar se convertira à l'islam. Voilà ce qu'il répond. Parce qu'il connaissait Omar. Et il savait que c'était une personne très dure et qui a maltraité les musulmans et qui les a persécutés énormément avec ceux, avec les associateurs. Et il se dit, si Omar, lui, et qui était en plus de cela réputé pour sa dureté, sa rudesse et autres, lui se convertit à l'islam, c'était quelque chose d'impossible pour lui. Et c'est pour ça qu'il donne cet exemple en disant, il se convertira à l'islam que quand son âne, l'âne de Omar ibn al-Khattab, ici se convertira à l'islam. Donc, ici, il est rapporté aussi, Naam, ça je l'ai cité, rapporté par le Bukhari, hein. Et ça dans un hadith aussi, rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Cheikh Al-Albani aussi, rahimahullahu ta'ala, avec une chaîne de transmission authentique, Tirmidhi et d'autres, hein. Le prophète alayhi salam, c'est pour ça que je voulais citer d'abord, comment était, en gros, de façon générale, Omar ibn al-Khattab avant l'islam, avec tout cela. Avec tout ce que je viens de citer. Il a torturé les musulmans. Il a été très dur avec eux. Il a attaché sa sœur. Il a attaché ici, entre guillemets, son beau-frère. Il était acharné. C'était un homme très dur, très rude. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, il a invoqué en faveur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda. Vous connaissez tout ce hadith. Regardez, avec tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué en sa faveur. Et ça nous rappelle qu'on a besoin d'hommes forts. C'est pour ça que je vous le disais. On a besoin d'hommes forts dans la religion. Et si nous, on peut invoquer en faveur d'hommes qui ont de l'influence plutôt qu'invoquer contre eux, alors que les musulmans, suivez bien, alors que les musulmans sont dans une situation de faiblesse, invoque pour eux, n'invoque pas contre eux. Invoque pour eux, n'invoque pas contre eux. Je répète, si nous, on a le choix entre invoquer pour eux ou contre eux, dans une situation de faiblesse, dans une situation de faiblesse, car eux, ils étaient dans une situation de faiblesse, invoque pour eux, c'est pas quand tu es dans une situation où, alhamdoulilah, l'islam est au top. Hein? Tu vas dans n'importe quel pays, il y a l'islam partout. Non, c'est pas le cas. Quand tu es dans une situation de faiblesse, autant invoquer pour ceux qui ont de l'influence et qui ont un haut rang que invoquer contre eux. Si tu peux invoquer contre ou pour Sarkozy, invoque pour Sarkozy. Est-ce que c'est autorisé en islam de dire Allahumma hadi Sarkozy? C'est autorisé ou pas? C'est autorisé. Vous êtes sûr? Ça, c'est autorisé, c'est clair. Est-ce qu'on a droit de demander le pardon pour un non-musulman? On n'a pas droit, c'est autre chose. Amma al-hidayah, demande-le à l'ensemble des musulmans. Al-Hidayah à l'ensemble des non-musulmans. Qu'Allah Azza wa Jal guide un musulman, un non-musulman, demande. Si maintenant, toi, aujourd'hui, tu vas avoir un hakim, un gouverneur, même qui dirige un pays arabe, et qui dirige, et qui, si même il opprime, et si même il fait des erreurs, etc., etc., le mieux c'est d'invoquer envers lui, en sa faveur ou contre lui. Ça, il n'y a pas photo. Celui qui dirait le contraire, c'est qu'il est bête. Pourquoi? Logiquement, pourquoi? Si lui, demain, il meurt, ou si Allah subhanahu wa ta'ala l'extermine, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va faire qu'il y a un autre qui va venir pire que lui. C'est possible. Amma si tu guides, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, alhamdulillah, c'est mieux. Autant ici passer directement, pas passer par quatre. Allahumma hadi. S'il est guidé, alhamdulillah, l'histoire est réglée. Donc demander ici al-hidayah, qu'Allah Azza wa Jal guide des personnes qui ont de l'influence, c'est mieux quand il y a une situation de faiblesse chez les musulmans que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exterminer. Et c'est pour ça que nous, on est demandé d'augmenter les invocations, particulièrement ici, pour qu'Allah Azza wa Jal guide et réforme ici les gouverneurs. Les gouverneurs arabes, s'il y a des gouverneurs musulmans qui n'appliquent pas vraiment comme il se doit les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., s'ils sont amenés à faire des erreurs, nous, on demande hidayah pour eux. Car ce qui nous importe, c'est qu'ils soient guidés, qu'ils soient au top. Pour qu'ensuite, inshallah ta'ala, ici, le peuple suive. D'accord? Car on n'a rien sans rien. Quand les gens se plaignent, oui, le hukam, c'est qu'il y a, des torts aussi qui viennent aussi de quoi? Des peuples, des gens. C'est la faute du peuple aussi. En quelque partie, c'est la faute du peuple aussi. Ça, c'est clair et net. Ala kulli hal, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith al-sahih, Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi hadhain, Allahumma fortifie l'islam par ici, celui que tu aimes le plus ou celui qui est aimé le plus, d'accord, par toi, d'accord, celui qui est le plus aimé ici parmi ces deux hommes. Et il a cité le prophète alayhi salam dans son invocation deux hommes, et il a cité hadaini rajulain ilayk bi Amr ibn Hisham ibn al-Hakam, donc Abu Jahl, ici surnommé par Abu Jahl, ou Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Et Allah Azza wa Jal a guidé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Naam, et ça, c'est une des causes principales de la conversion de Omar ibn al-Khattab, comme ils disent les savants, car l'invocation du messager d'Allah, alayhi sallam, bien sûr, n'est pas rejetée. Et avec tout ça, le messager d'Allah, alayhi sallam, n'a pas invoqué contre Omar. Il a invoqué pour Omar, car il avait besoin d'hommes forts. Il a invoqué pour Omar ibn al-Khattab, et on a vu, regardez le fruit, le fait d'invoquer pour et pas contre, en période de faiblesse, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, comme le dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, l'islam, dans Sahih al-Bukhari, l'islam n'a jamais été aussi fort, na'am, et aussi fort que depuis que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda a annoncé, ou plutôt s'est converti à embrasser l'islam. Et ici, concernant la conversion de Omar ibn al-Khattab, il y a beaucoup de récits, mais ça, vous savez que la plupart des récits sont faibles, ou du moins il n'y a pas un récit avec une chaîne de transmission vraiment authentique. Dans Rahiq al-Makhtoum, vous retrouvez yani le nectar cacheté, un ou deux récits, je pense qu'il a cité, lakin ils sont faibles, donc il n'y a pas d'intérêt de les citer, du moins moi je vois pas d'intérêt. Ala kulli hal, ils sont faibles. Ce qu'on est sûr, comme disent les savants, c'est que la cause principale de la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, c'est quoi? L'écoute du Coran. C'est kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Donc les savants disent que ce qu'on retrouve dans tous ces récits là, du moins, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a touché Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Et on sait que la plupart des compagnons de toute façon se sont convertis ici simplement en entendant ici les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans Sahih al-Bukhari, que même ici les associateurs, quand le prophète alayhi sallam est parti ici à la Kaaba pour ici faire la prière, quand il a récité surat al-Najm, et quand il est arrivé à la fin de surat al-Najm, quand il s'est prosterné, même les associateurs se sont prosternés. Kalamullah. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a une très forte influence, ayyuhal ikhwatul kiram, à partir du moment qu'il est récité avec sincérité. Et avec, bikulli fiqa, avec toute confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et toute certitude, Allah azza wa jal, il met les faits, bien sûr, dans Al-Qur'an, Al-Kalim. C'est pour ça qu'on se doit d'utiliser au maximum Kalamullah azza wa jal dans notre appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous avais dit aussi, il y a une autre parole de Abdullah ibn Mas'ud, nous ne cessions d'être forts et puissants depuis la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, qui fut nommé, comme vous le savez tous, Farouq. Al-Farouq. لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الحق والباطل. Car Allah azza wa jalla a discerné par sa cause le bien et du mal. Pourquoi il a été nommé Farouq? Al-Farouq. Al-Farouq, c'est quoi? Al-Furqan, c'est quoi Al-Furqan? Le discernement. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda a été surnommé comme ça car il discernait et il séparait et il faisait la part des choses entre quoi? Entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, je dis de façon générale. Donc rentrer plus dans les détails, on pourrait dire, comme certains le disent, séparateur entre la justice et l'injustice, l'équité et l'iniquité, la légalité et l'illégalité, l'honneur et le déshonneur, la vertu et le vice, l'honnêteté et la malhonnêteté, la dignité et l'indignité, ala kulli hal, tout ceci rentre dans les paroles bayna al-haqqi wal-batil. Entre le bien et le mal. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Al-Furqan, ce n'est pas donné à tout le monde. Alhamdulillah, il y a certains privilégiés qui ont cet honneur d'avoir ce discernement. Et par la cause de quoi? Parmi ces causes, At-taqwallah. In tattaqullah, yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla va vous donner Al-Furqan, la faculté de discerner entre le bien et le mal. Et ça, c'est une preuve de Al-Hikmah. Celui qui discerne entre le bien et le mal, c'est une preuve qu'il a une certaine sagesse. Car par ce discernement, il pourra appliquer comme il se doit la sagesse. Sans le discernement, tu ne pourras pas acquérir al-hikmah. Et je ne parle pas de, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, on l'a cité dans les précédents cours, de al-hikmah qui est lié avec al-kitab dans al-Qur'an al-Karim. Car Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que quand al-hikmah est lié à al-kitab, on parle de As-sunnah, la sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam. Lakin quand al-hikmah est de façon, ou cité de façon isolée, de façon générale, on parle de l'hikmah, comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. C'est quoi al-hikmah? C'est quoi? C'est de faire ce qu'il faut, de la manière qu'il faut, et au moment où il faut. De faire ce qu'il faut, au moment où il faut, et de la manière qu'il faut. Al-Hikmah. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des tonnes de science. Mais si tu ne sais pas comment utiliser cette science, de quelle manière et à quel moment transmettre cette science, à quoi va te servir cette science? Peut-être même que tu vas faire plus de dégâts que de bien. C'est possible. Quelqu'un qui va manger avec des personnes âgées, par exemple. Et tu sais que toi, tu commences à faire un travail avec eux. Et ils vont commencer à te citer certaines bid'ahs, certaines innovations. Et toi, ils t'ont invité à manger. Je donne un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Et toi, tu vas commencer à vouloir réformer. Tu as dit, le prophète, il a dit, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. Celui qui voit un munkar, une turpitude, qu'il l'arrête avec sa main, s'il peut pas sa langue, s'il va avec son cœur, وذلك أضعف الإيمان. Ah non, ils t'ont invité à manger. Il y a du monde, t'es tout seul, ils te connaissent à peine. Tu veux commencer à faire un travail avec eux, tu commences. Ah, mais ça, c'est une bid'a, ça. Mais ça va pas, ils vont te manger. Le plat et toi avec. Ça, c'est clair. Donc la preuve, ça sert pas, ici ça ne nous suffit pas ici d'avoir beaucoup de science. D'accord? Ça ne suffit pas d'avoir beaucoup de science, il faut le hikmah. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point-là. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous octroyer le hikmah. Allah dit dans le Coran al-Karim, et celui à qui Allah Azza wa Jal a donné al-hikmah, il lui a été certes donné un grand bien. C'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, car al-hikmah, ici, c'est la clé qui va te permettre de gagner les cœurs. Al-hikmah, c'est la clé qui va te permettre de gagner les cœurs. Parce que tu sauras comment transmettre cet appel. À quel moment, de laquelle manière, tu vas t'adapter par rapport au niveau qui sont en face de toi. Et automatiquement, alhamdoulilah, tu vas gagner les cœurs. Et quand tu as gagné les cœurs, alhamdoulilah, transmets ce que tu veux. Bi-idhnillah, tabaraka wa ta'ala. Donc ici, c'est important de comprendre al-hikmah. Et celui qui arrive, alhamdoulilah, à discerner entre le bien et le mal, etc. Ça prouve, alhamdoulilah, qu'il a al-hikmah. Il faut demander à Allah Azza wa Jal de nous octroyer al-hikmah. Allahumma amin. Et ici, le prophète alayhi salam a dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, ici pour montrer la valeur et le rang qu'avait Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, je vous cite simplement 2-3 hadiths, et il y en a beaucoup, je vous renvoie aux hadiths authentiques, hein. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit concernant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, qui maltraitait les musulmans, qui a torturé les musulmans, qui les a opprimés. Avec ça, l'invocation du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et voilà le résultat. Regardez le résultat. Quand il y a un intérêt ici bénéfique, ici, de demander l'hidayah d'une personne qui a de l'influence, comme le fait que l'islam est très faible ou dans une situation très faible, et que tu le demandes sincèrement, regardez les fruits que ça apporte à l'ikhwatul kiram. Contrairement au fait que de passer son jour et de jour et de nuit, Allahumma extermine celui-là, détruit celui-là, tue celui-là, ceci, cela, celui, cela, jusqu'à ce qu'arrive un stade où certains s'oublient même eux-mêmes. Tlab al-hidayah, demande al-hidayah pour les gens. Et tu verras les fruits, incha'Allah ta'ala. Parmi ceux qui vous ont précédé des fils d'Israël, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasalam dans Sahih Bukhari, il y eut des hommes qui n'étaient pas des prophètes, mais auxquels Allah Azza wa Jalla a adressé la parole. S'il devait y en avoir un dans ma communauté, ce serait certes Omar ibn al-Khattab. Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit dans un hadith avec une chaîne de transmission, authentique, bi sanadin sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Albani et d'autres, ici rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim, selon Abu Dhar Al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda, il dit avoir entendu le message d'Allah alayhi salatu wasalam dire, écoutez bien, Allah a fait en sorte que la vérité coule facilement sur la langue de Omar. Allah a fait en sorte que la vérité coule facilement de la langue de Omar. Et c'est pour ça qu'on l'appelait aussi Al-Farouq. Quand il parlait, il disait facilement Al-Haq, la vérité. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, toujours avec une chaîne de transmission authentique rapportée par Al-Tirmidhi, Al-Hakim, Tabarani et d'autres, le prophète a dit, s'il y aurait un prophète après moi, ce serait certes Omar ibn al-Khattab. S'il devait y avoir un prophète après moi, ce serait certes Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Et ici, quand il s'est converti, Omar ibn al-Khattab, rapporté par Al-Hakim et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Omar raconte, quand il s'est converti à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait Omar ibn al-Khattab? Et on voit les personnes qui avaient de l'influence, et qui avaient de la fierté, et qui avaient du courage dans le jahiliya, regardez l'effet bénéfique, ce courage, et ces caractéristiques, quand tu les utilises ici pour l'islam, pour la communauté. Fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, quand il s'est converti à l'islam, comme le rapporte Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire radiyallahu anhu à son fils, il dit que Omar a dit de faire appel à la plus grande entre guillemets commère, celui qui, quand tu donnes une information, ça y est, repose ici tranquille, repose-toi tranquille et t'inquiète pas, en 2 heures toute la péninsule arabique est au courant. Ça existe à notre époque ça ou pas? Ça existe, il y a même des professionnels en ça. Wallahi al-adim qu'il y en a. Moi j'en connais moi. Ben, j'en connais, alhamdoulilah. Je sais que si j'ai envie de transmettre une information, wallahi que j'appelle certains frères ou je parle devant certains frères, je les connais très bien, je sais que je parle exprès devant lui, je suis sûr à 100%. Bon, avant à l'époque c'était peut-être 2 heures, 3 jours, mais maintenant, c'est un téléphone, technologie. Je sais qu'en 5 minutes, toute la ville est au courant. Du moins toute la ville, alhamdoulilah. Du moins, s'il répétait les choses sans rajouter, ça serait bien. À la koulihal, ça existait à l'époque du prophète, ça existe encore au jour d'aujourd'hui avec le plus grand des regrets. À la koulihal, le Omar ibn al-Khattab dit de lui apporter, d'accord, la plus grande commère, entre guillemets, celui qui rapportait le plus. Donc ils lui ont rapporté Jamil ibn Muammar. Donc ce personnage-là qui était réputé pour hein, balancer très rapidement les informations. Donc il lui dit, et est-ce que tu es au courant que Omar a embrassé l'islam, que j'ai embrassé l'islam? Donc il lui a montré, il lui a affirmé sa conversion à l'islam, et il, tout de suite, alerte rouge, il est parti devant tous les Mécois. Donc il est parti, et il est parti à la Mecque et à la Kaaba, il a annoncé à tout le monde, voilà, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, voilà, donc il est en train de parler de la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, arda, qui celui-ci le suivait. Et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il disait, je me souviens encore très bien, j'étais encore jeune, et je suivais mon père aussi, j'ai vu la scène. Et donc il était en train de parler sur la conversion de Omar, et Omar ibn al-Khattab a dit ouvertement, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, car Omar le voulait. Omar était fier, était courageux. Il a utilisé ces qualités-là dans l'islam, fi sabilillah. Et Omar ibn al-Khattab, après qu'il ait affirmé ouvertement, ils se sont tous jetés sur Omar ibn al-Khattab, et il est rapporté, comme il dit par exemple, Sahib Rahiq al-Makhtoum, wa ghayru ibn Ishaq et d'autres, ils sont restés se battre avec Omar jusqu'au lendemain à midi. Jusqu'au lendemain au zénith. Ils sont restés ici se battre avec Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Et Omar, il a dit, wallah, ici, on était 300 comme moi, soit on vous aurait tué, soit vous nous aurez tués. Pour dire que ici, si on était plus ici de personnes qui ont mon niveau, ça sera autre chose. Et ici, un homme qui est appelé Al-As, qui est venu ici soutenir Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, pour arrêter ici ce conflit-là. Ala kulli hal, Omar ibn al-Khattab était quelqu'un de très fier et voulait absolument affirmer ouvertement ici sa religion. Et ça nous rappelle qu'on doit être fier de l'islam. On doit être fier de l'islam. Alors que ça, Omar savait très bien ici les conséquences. Mais c'était un homme très courageux. Alors nous, que dire au jour d'aujourd'hui? Qui, quand tu affirmes ta religion ouvertement, ici tu vas pas être frappé. Tu vas pas être persécuté. Tu vas pas être, on va pas se jeter sur toi et à commencer à tuer ta famille, te tuer, non, rien du tout, rien de cela. Du moins nous, alhamdoulilah, ici en France, alhamdoulilah. Et avec cela, il y a des gens qui viennent, wallah, il a dans des mosquées, pour faire les prières, ils mettent des capuches, ils se cachent, et oh, je veux pas dans cette mosquée parce qu'on va, je pense que, on va dire que je suis de telle tendance, ou je suis un peu trop extrémiste, ou, ça existe. Ou alors des gens, ils disent, oui, il faut cacher quand ils construisent une mosquée, oui, mais faut la faire très discrète parce que, bon, quand il n'y a pas le choix, c'est une chose, mais très discrète pour pas que les gens remarquent que c'est une mosquée, oui, les gens, mais normalement, on doit être fier de la religion. Si on est amené à dire ça, c'est qu'il y a un problème qui vient de nous, c'est que nous, on a montré une mauvaise image de l'islam. Nous, on a montré une mauvaise image de l'islam. Bien sûr, certes, il faut affirmer sa religion ouvertement et avec toute fierté, mais tu en assumes les conséquences. Et c'est une responsabilité à toi de montrer le meilleur des exemples et la vraie face de l'islam. Parce que toi, quand tu sors avec l'ihya, avec le qamis, avec la barbe, ou même simplement au jour d'aujourd'hui en t'appelant Mohamed ou Abdallah ou Rachid, sache que toi, tu représentes, que tu le veuilles ou non, des millions et millions de musulmans. Ils vont te voir et vont dire, ça c'est l'islam. Donc à toi de montrer le meilleur des exemples avec les musulmans et les non-musulmans. Ça c'est demandé. Et ça c'est une forme de ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une da'wa. Ça c'est un appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait simplement que tu attires les gens à la religion et tu montres le bon exemple avec ton comportement. Et on a dit ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala bil akhlaq anfa'. Ça c'est plus bénéfique wa awla wa a'zam wa ahsan min ad-da'wa bil aqwal. Ça c'est meilleur que la da'wah avec les paroles dans certains cas. Je dis bien dans certains cas. C'est meilleur avec le comportement. Car avec le comportement et le bon comportement, tu gagnes très facilement les cœurs. Et donc on voit que Omar ibn al-Khattab a été très fier ici. Et quand ils ont vu la force qui était apportée par la conversion de ces deux hommes, qui étaient Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda et Hamza ibn Abi Talib, la force qui a été apportée à l'islam, donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va utiliser? Maintenant même le prophète alayhi sallam, il est entre guillemets intouchable, donc on va utiliser autre chose. Et ils ont fait du boycottage. Ils ont fait du boycottage. Ils ont dit et ils ont fait un pacte, mashallah, qu'on retrouve par exemple dans le livre Rahiq al-Makhtoum, ici, qui mettent le pacte de l'injustice, mashallah, le titre est mashallah. Donc ce pacte-là d'injustice, et ils ont décidé de s'allier, d'accord, contre les Bani Hashim, donc les tribus du prophète Al-Hassan, les Bani Hashim et les Bani Abd al-Muttalib. Ici, pourquoi? Pour boycotter tous ceux qui étaient d'accord avec le prophète Al-Hassan. C'est-à-dire, ils ont écrit, ils ont mis sur écrit, que c'était interdit de vendre ou d'acheter quoi que ce soit ici au messager d'Allah alayhi wa sallam, ou aux compagnons, à ceux qui avaient adhéré à la religion du prophète alayhi salatu wa sallam. Il était interdit de se marier avec leurs filles, etc., ou alors de donner en mariage nos filles, etc. Donc ils les avaient vraiment boycottés. Et ceci, comme le rapportent les historiens, ça a duré pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ici, ils ont été boycottés. Ce n'est pas un petit boycottage. C'était un boycottage très sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont goûté à la famine. Ils ont goûté à la misère. C'est pas pendant 2 mois ou 3 mois, c'est pendant 3 années complètes. Ils ont énormément souffert. Et avec eux, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc l'islam, c'est pas venu en claquant des doigts. Donc ici, c'est pour nous rappeler que, ici, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas simplement tourner les pages. Mais savoir que quand tu tournes les pages, il y a des années de misère qui sont passées pour que toi, au jour d'aujourd'hui, tu sois dans le confort ici et en train de tourner à l'aise ces pages-là chez toi tranquillement. Il y a des gens qui ont sacrifié, des gens qui ont subi, des gens qui ont été torturés. Alhamdulillah. Et la récompense est de taille pour eux. Ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jalla les a agréés, mais ça nous rappelle que nous, si on veut le paradis, on doit passer par des épreuves. Am hasibatum an tadkhulul jannah. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle que si on veut rentrer au paradis, on devra passer par quoi? Misère, faim, comme ceux qui étaient avant nous sont passés, jusqu'à ce que le messager d'Allah et ceux qui étaient avec lui ont dit: quand viendra le secours d'Allah? ألا إن نصر الله قريب. Quoi? Le secours d'Allah Azza wa Jal est certes proche. Et ils ont subi et ils ont enduré pendant trois années. Pendant 3 années, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ça, ça a été le boycottage. Donc ça, c'est quand les gens, ils arrivent plus. Ils sont vraiment arrivés à un stade grave, ils boycottent. Ils boycottent. Et ce qui nous fait le plus mal au cœur au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on retrouve certains critères, certains de ces critères chez nous. Chez nous, entre nous, des critères, attention bien, je ne dis pas il y a des hypocrites chez nous, abadan, ou il y a des associateurs chez nous, des critères d'hypocrites chez nous, au sein de la communauté, jusqu'à ce qu'on entende qu'il y a des gens qui boycottent certaines mosquées, certains frères, certains, fondés sur rien du tout, wal'iyadu billah. Et ça, je parle avec des choses concrètes, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler de choses concrètes. Parce que si on lit ici, et en mettant que de la pommade sur les frères, vous êtes les meilleurs, la meilleure communauté, mashallah, vous êtes tous pieux, on n'avancera pas. On a dit, on est là pour faire avancer la communauté de l'avant. Et ça, c'est, je conseille moi-même, ici, et Allah m'en est témoin, moi, le premier, j'enjoins ma personne, ici, la première, ici, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, c'est une réalité. J'entends des gens qui boycottent certaines mosquées, wal'iyadu billah. Et si, toi, tu boycottes une mosquée, je rappelle simplement à certains frères, qui interdisent même leur épouse de se rendre dans des mosquées. Et ils disent, tu n'as pas droit de côtoyer telle mosquée, tu n'as pas droit de d'écouter tel cours, tu n'as pas droit d'aller dans tel endroit. Je rappelle d'abord première chose. Ça, parce que c'est des faits concrets. Et ce n'est pas que ici à Brest, hein, pas du tout. Je rappelle d'abord que c'est interdit d'interdire son épouse de se rendre dans une mosquée. Tu n'as pas droit. Ça, c'est clair. Celui qui dit le contraire, j'aimerais bien entendre d'où il a sorti cette parole-là. Alors, j'aimerais bien entendre. Rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam, directement. Dans de nombreux hadiths, je vous ramène juste à Sahih al-Jami', dans la même page. Tous les hadiths, il doit en avoir 4 ou 5 sur le fait d'interdire sa femme de se rendre à une mosquée. Le prophète Aïssoum l'a dit, la tamna'u nisa'ukum al-masajid wa buyutuhun khayrun lahun. Na'am, taban, ça c'est une autre partie du hadith. N'interdisez pas ici vos épouses de se rendre dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur maison est meilleure. Leur maison est meilleure, c'est une chose, il y a une explication. Mais la première partie c'est quoi? Tu n'as pas droit de l'interdire, sauf s'il y a une raison valable. Et si toi tu es amené à boycotter, il faut vraiment que tu aies une raison valable. Ici, si tu boycottes une mosquée, tu dis à ton épouse, ne va pas dans telle mosquée, car 1, tu vas à l'encontre de ce que le prophète alayhi sallam a dit, 2, il te faut une raison valable, car sinon, non seulement tu vas à l'encontre de ce que le prophète a dit, tu boycottes. Et tu as les mêmes critères que, wal'iyadu billah, ceux qui ont boycotté le prophète et les compagnons. Si tu n'as aucune raison, c'est grave. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Si tu me dis une raison valable, il y a vraiment un égarement, il y a des soufis dans une mosquée, ou il y a une secte égarée, ou je ne sais quoi. Tu as des raisons valables. Juste simplement. Je ne suis pas en train de rentrer dans la vie des couples ou dans la vie personnelle des gens là, qui je rappelle simplement, iyakum thumma iyakum. Il faut vraiment qu'il y ait une raison valable pour pouvoir boycotter une mosquée ou un groupe de gens ou un groupe de personnes. C'est une lourde responsabilité et le boycottage de façon injuste, c'est ce qu'ont fait les associateurs envers le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Donc soit tu seras sur la vérité, tu as une raison valable, soit tu seras parmi les gens qui ressemblent aux associateurs qui ont boycotté le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons. Je dis que si tu veux boycotter ici, utiliser le boycottage, tu le fais, mais sois sûr de toi. Ça, c'est un conseil que je donne à moi, ainsi qu'à vous-même. Et ensuite, bien sûr, après ce boycottage, pour terminer, il nous reste ici, il nous reste rien normalement. C'est 2 minutes, on va dire, hein, j'ai pris sur les 10 minutes. Ici, pour terminer ce sujet-là, ici, il est rapporté dans un hadith comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahmahoullah dans la sunna authentique, ou plutôt la biographie authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Ici, il y a le fait que après ces 3 ans-là, quand ils ont été touchés par cette grande famine et cette grande misère, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer contre ces personnes-là. Parce que ça, ils n'en pouvaient plus. Plus de négociations possibles. Ils n'en pouvaient plus. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a invoqué contre eux. Il a dit, Ya Allah, ici inflige-leur, ici une sécheresse, comme celle qui a été infligée à l'époque de Youssouf alayhi salam. Vous connaissez les 7 années de sécheresse qui ont touché à l'époque de Youssouf alayhi salam, qui ont été touchés ici, qui ont subi à l'époque, les gens à l'époque de Youssouf alayhi salam, et ici ils ont été touchés tout de suite, ici c'est-à-dire les associateurs, par une sécheresse qui a dévasté tout. Ils n'en pouvaient plus, jusqu'à ce qu'il est rapporté qu'ils mangeaient des feuilles, qu'ils mangeaient des déchets, etc. Ils ne trouvaient plus rien à manger. Ils ont délégué Abu Soufyan pour aller voir le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il a dit, Ya Muhammad, il a dit, c'est toi qui prétends que tu as été envoyé comme rahmatan lil alamin. Regardez, miséricorde pour l'humanité. Il a dit, invoque ton Seigneur pour qu'il descende la pluie, pour que cette torture cesse. 3 ans ici de boycottage et d'injustice et de misère et de famine qu'on subit. Et avec ça, maintenant, il vient et dit, ça y est, demande à ton Seigneur ici d'invoquer en notre faveur. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah azza wa jalla dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il a invoqué ici pour qu'Allah azza wa jalla fasse tomber la pluie, et la pluie est tombée. Mais le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ayyuhal ikhwatul kiram, c'est le maître des sages. S'il savait qu'il y avait ici un intérêt d'invoquer, c'est pour ça qu'il a invoqué. Et il était là pour gagner les cœurs et pour agrandir ici la communauté. Et ce n'était pas pour repousser les gens, car à l'époque, c'était une époque où l'islam devait se propager et il fallait obligatoirement gagner le maximum de cœurs. Et c'est pour ça qu'on dit, on le répète, et comme les savants disent, avant que le prophète alayhi salatu wassalam gagne ici la Mecque et ouvre face Fathu Mecca, il a gagné les cœurs. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.